Dossier, page 11. Une manager de ville au service des commerçants et artisans. Depuis la mi-septembre, Stéphanie Anne a pris ses fonctions en tant que manager de ville. Fonction qu'elle occupe pour un tiers à Château-Gontier-Bazouges, un tiers à la CCI à Laval et un tiers à Mayenne. Ce nouveau poste a été créé grâce à un partenariat entre les villes, la CCI et les unions commerciales. Quel est son rôle? Comme le souligne Stéphanie Anne, elle est avant tout au service de tous les commerces et ressortissants de la CCI. Concrètement, un manager de ville peut remplir des missions très diverses selon les interlocuteurs du territoire sur lequel il officie. Il travaille à faire le lien entre les différents acteurs du territoire, commerçants, élus, chambres de commerce. Quels sont les projets en cours? En cette fin d'année 2015, l'une des thématiques principales sur laquelle travaille Stéphanie Anne est l'accessibilité. Elle réalise des pré-diagnostics, oriente les commerçants vers les interlocuteurs, services urbanisme, préfecture, conseille les entrepreneurs sur les modalités, le cadre juridique. Il s'agit donc d'une vraie plus-value pour les commerçants en facilitant leur démarche. Elle intervient également auprès de l'association des commerçants Castel Plus afin de faciliter le relationnel, la communication, encourager de nouvelles adhésions. Dans ce cadre, l'un des grands projets de cette fin d'année est la mise en place d'animations commerciales, déambulations, jeux concours, du 5 au 25 décembre. Il s'agit d'un temps fort pour le dynamisme commercial de la ville en cette période de fête de fin d'année. Comme l'explique Stéphanie Anne, la consommation locale ne concerne pas uniquement l'agriculture. Afin de conserver de la diversité dans l'offre commerciale, il est primordial d'encourager l'achat local. Toujours dans cette optique, elle va participer au développement de l'offre de chèques cadeaux, notamment auprès des comités d'entreprise. Vous êtes commerçant ou artisan? Vous souhaitez obtenir plus de renseignements? Vous pouvez contacter Stéphanie Anne au 06 89 79 96 24 ou à l'adresse web s.anne@mayenne.cci.fr. Un nouveau site internet pour Castel Plus. Castel Plus a aujourd'hui un nouveau site internet proposant un contenu plus riche. Vous pouvez y retrouver l'actualité des commerces adhérents de l'association, des informations, des promotions. Le site a été réalisé notamment grâce au programme régional 500 projets pour les territoires. Stéphanie Anne, dans le cadre de son travail avec Castel Plus, va également continuer à prospecter les commerçants afin de proposer toujours plus de contenu aux internautes. Plus d'informations sur www.castelplus.com. Cette page est illustrée par une photo de Stéphanie Anne et une vue du nouveau site internet Castel Plus.